guess you lied. You're the fool in the crew that died. Your mother cried. Hold your fire, cool your temper. Young guns ever too bold. Hold your fire, just remember, young guns never grow old. Le cahier du quartier, les filles dans la voiture, le flingue à la ceinture. C'est ça le respect que tu crois gagner. Ce n'est que le malheur que tu vas trouver. Tout ce que tu risques de croiser, c'est une bande armée. Comme toi déterminé, va y avoir du sport, surtout va y avoir des morts. Toi, la bande et des innocents, trop de pleurs, trop de sang. Fais pas le dingue, pose ton flingue, young gun calme les cheveux. Fais pas le dingue, pose ton flingue, si tu veux vivre vieux. Et young gun, le caïd du quartier. Les filles dans la voiture, le flingue à la ceinture. Avec ça, c'est le respect que tu crois gagner. Ce n'est que le malheur que tu vas trouver. Hold your fire, cool your temper. Young guns ever too bold. Hold your fire, just remember. Young guns never grow old. Si tu veux vivre vieux, si tu veux vivre vieux.